ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, vous êtes sur Vous êtes libre ce soir, donc l'émission qui présente la culture libre et le logiciel libre sur Radio Béton 93.6. Et on continue avec notre présentation du label Another Record avec toujours aussi un membre Clément de The Winding Soundtrack qui sont là pour nous en parler. Alors la semaine dernière, on a pas mal présenté The Winding Soundtrack, on a un peu moins parlé de Another Record. Another Record, ça a la spécificité d'être une association. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des objectifs de cette association? Qu'est-ce qu'on recherche? L'objectif de l'association, c'est de... En fait, c'est un label qui sert un peu de tremplin. Donc, on accompagne les groupes à partir du moment où ils ont sorti un disque chez nous. Et puis à partir du moment où ils ont été d'accord pour le sortir au départ. Donc c'est dénicher un petit peu des artistes pas très très connus, et puis donc sous licence Creative Commons. Et puis donc on les accompagne dans tout ce qui est promotion et booking, donc le booking, trouver les concerts, promo j'en ai parlé, trouver des salles, trouver des... contacter les fanzines, les radios pour leur envoyer des CD, des articles de réunir des articles de presse, en faire des petits books et puis envoyer ça pareil ouais, à des fanzines, toutes ces petites choses là. Donc on accompagne vraiment les groupes à ce niveau là quoi, sachant que eux de leur côté ils participent également à leur propre promotion. Déjà du fait qu'ils sont sous licence libre, c'est plus facile. Donc essentiellement c'est ça, c'est diffuser aussi, c'est ce qu'on appelait au sein du label, ce qu'on appelle au sein du label la dissémination de la musique, c'est-à-dire pouvoir diffuser la musique au plus grand nombre et on va dire à moindre coût, parce que bon, on est une petite structure, donc on n'a pas les moyens des majors et donc on n'a pas les mêmes moyens promotionnels que les grosses maisons de disques, d'où aussi l'utilité des Creative Commons, c'est quand même plus facile et plus souple avec ce type de licence, quoi. Alors donc la dissémination, le concept, c'est de passer par des licences libres. Ça permet qu'il y a plus de gens qui l'écoutent. C'est disponible sur Internet. Est-ce que vous avez des retours favorables par rapport à ce choix, en fait? C'est en tout cas ce qu'on pense. On espère que dans les fêtes, on est écouté plus facilement que si on avait des groupes inscrits à la SACEM. Donc pour ça, on a différents supports, donc c'est des supports numériques, donc des écoutes en streaming ou en téléchargement, avec des fichiers en .ogg, donc là c'est un peu... Enfin, les geeks connaîtront ce type de format qui est un format libre, contrairement au MP3. On fera une émission dessus. Voilà. Nous, on met toujours les deux formats sur le site, parce que bon, pour des questions de lecture sur les différents lecteurs audio. Donc le streaming, tout ce qui est Deezer, Last.fm, Pragmasic, on est sur Pragmasic pour donc vendre nos albums en version numérique, un site consacré aux musiques exclusivement sous licence libre, et donc le bête support CD qu'on connaît depuis 20 ans maintenant, donc des CD qui sont sous licence Creative Commons également, et soit on les grave nous-mêmes, donc c'est un façon artisanale, on va dire, ou soit qu'on a un peu plus d'ambition, ou enfin c'est surtout en accord avec le groupe, et puis par rapport aux moyens qu'on peut mettre, enfin par rapport à l'argent qu'on peut mettre dedans et qu'on peut réunir, on sort un CD pressé et éventuellement trouver également un distributeur. Ok, alors si on va chercher du côté des inconvénients, il y a beaucoup de gens qui vont penser que ça permet pas de ramener des sous, que les gens vont pas acheter s'ils se disent on peut trouver gratuitement. Est-ce que vous vendez des CD? On vend des CD, ouais. Donc, c'est vrai que dans la tête des gens, libre, ça veut dire gratuit. Donc, ça, on le répète tout le temps, libre, ça veut pas forcément dire gratuit, quoi. Donc, on peut sortir des disques donc sous licence Creative Commons. Et par contre, les gens, une fois qu'ils ont acheté le CD, ils en font un peu ce qu'ils veulent en fonction des termes de la licence. J'ai vu que les licences Creative Commons que vous utilisiez interdisaient, ou plutôt soumettaient à l'approbation de l'auteur, l'utilisation commerciale et les œuvres dérivées. Pourquoi apposer ces barrières ? Je sais pas, Clément peut plus répondre, peut-être. Alors ça, c'est des choses dont on a discuté, effectivement, mais l'utilisation commerciale, moi, ça me semble une évidence, parce que il me semblerait délicat d'autoriser n'importe qui à faire commerce de ce qu'on a produit et de ce qu'on a décidé d'offrir. Ça me semblerait aller un petit peu trop loin dans le renoncement, quand même. C'est vrai. Après, la question la plus intéressante, c'est concernant les œuvres dérivées. Ça a aussi un intérêt dans le monde de la culture libre de pouvoir réutiliser le travail des autres. Ouais. Bah ça, moi, ça me pose pas de soucis particuliers, mais effectivement, on a préféré agir de la sorte. C'est vrai que peut-être c'est un frein. Je pense que ceux qui veulent le faire de manière illégale ne se gênent pas, et qu'après tout c'est pas bien grave, hein, c'est toujours comme je préfère que si quelqu'un veut travailler, enfin je parle de ça en tant que musicien quoi, mais je préfère si quelqu'un veut retravailler à partir de ce que j'ai fait qu'il prenne la peine de me contacter pour pas tellement pour me demander mon approbation ou je ne sais trop quoi, mais ne serait-ce que pour me tenir au courant, que je sache ce qui est fait. Enfin, je sais que j'ai il y a quelques personnes qui ont utilisé dans des courts-métrages, par exemple, les musiques qu'on avait fait ou des choses comme ça. Je suis curieux de voir ce que ça donne, quoi. Je pense que du coup, ça incite la personne à contacter, ne serait-ce que pour demander l'autorisation, si elle le souhaite. C'est plutôt sympa à l'arrivée. Ok, très bien. Alors, on va passer un nouveau morceau de musique. Donc, ce coup-ci, je me souviens du titre, c'est The Dutchman, mais l'artiste, Audran. Je l'ai sous les yeux, Audran Trumel. Voilà, donc on vous passe ça tout de suite. That's what I was told by the Alors c'était The Dutchman de John Trumel, de la licence Creative Commons by NCND. Le label Another Record, il compte que des groupes de folk ou non, vous avez d'autres, des groupes orientés autres? On a des groupes orientés principalement pop folk et tout ce qui balaye un peu le spectre de l'indie rock. Mais on s'est surtout concentré sur la pop et la folk récemment. C'était d'accord, un peu plus éclaté au début parce que je pense parce qu'on fonctionnait plus à l'époque par connaissance que par goût véritablement. Donc on s'est retrouvé avec des groupes d'électro, de punk rock, de choses comme ça parce que c'était les potes. Et petit à petit, l'identité du label s'est un peu plus définie quoi, par rapport à des genres de musique plus précis. Il y a des groupes qu'on démarrait chez nous, comme les Gatchiens, et puis qui après ont bien cartonné au niveau national, qui n'est pas trop de la folk, quand on écoute, quand on connaît. Après, on se retrouve pas mal sur d'autres groupes qui n'ont rien à voir avec de la folk. Hein, donc... je parle notamment de Adeline et moi parce qu'on est tous les deux sur tour et on va voir pas mal de concerts de toutes sortes. On craque autant sur du Astronaut Alice qui est du hip-hop, on adore. Un petit groupe de tour, les petits genoux de The Finkielkraut, ouais, j'avais avalé le nom. Finkielkraut, c'est un groupe très prometteur qu'on adore et c'est punk rock, on peut dire, un peu de mélange new wave, etc. Mais bon, sur scène, c'est très rock et tout, donc on adore aussi. Et puis à côté, on adore les guitares en bois, les arrangements de violon, de piano, de cordes, voilà. On va un peu parler de vos plateformes de diffusion. Vous êtes sur... Vous avez dit sur Pragmasic. Pragmasic, cd1d.com, donc pour la distribution numérique et l'envoi de CD. On a un organisme, Believe, qui s'occupe de nous référencer sur toutes les plateformes numériques telles que iTunes, Amazon, tout ça. On a un distributeur qui s'appelle Anticraft, donc pour le dépôt-vente en magasin. Et puis pour les plateformes numériques, je crois que c'est à peu près tout. On est sur Last.fm aussi. Les Weddings, ils ont leur page Deezer. Vous êtes sur Deezer. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Et la musique sous licence libre, ça n'empêche pas de la vendre en CD. Et j'ai cru entendre que vous vendiez même au Japon. Oui, alors là on parle du groupe Mysophone, qui est un groupe anglais originaire de Bristol. En fait, le truc c'est que ils en sont à, je sais pas, ils ont dû sortir déjà 14 albums. Donc nous on a sorti leur 13e ou 14e album, je sais plus. Et ils avaient déjà été distribués par un... Et donc ils étaient sortis sur un label nordique, enfin scandinave, suédois je crois, je sais plus. Un de leurs albums précédents avait déjà été distribué au Japon, donc par un distributeur japonais. Et de fil en aiguille, le distributeur japonais nous a contactés, parce qu'ils ont appris qu'on sortait à notre tour un album de Mysophone. Et du coup, on a envoyé des CD au Japon, puis ça marche vachement bien, enfin... Ça marche assez fort là-bas, donc c'est cool de savoir qu'on est distribué ailleurs que sur le vieux continent, on va dire. Une petite question, dans la précédente émission, on avait parlé des concerts de Wedding Soundtrack qui étaient plutôt en phase de retravail de leur musique, etc. À Another Record, il y a beaucoup de concerts organisés en ce moment ? C'est très variable. Là, c'est vraiment très très variable. C'est selon les dates qu'on peut trouver, en fonction des disponibilités des groupes. Parce qu'on a un groupe où c'est un artiste tout seul, c'est plus facile pour lui de bouger. Quand c'est un groupe comme les Weddings où ils sont quatre, il faut que tout le monde soit dispo. Après, il y a les questions de covoiturage, les coûts. Faut organiser tout ça. C'est selon le dispo des salles et ceux qui ont envie de nous programmer aussi, surtout. Et puis les... combien ils donnent d'argent aussi, hein, le cachet, faut pas oublier. Et puis donc c'est vraiment très variable, ça se fait pas au jour le jour, mais quasiment. Bien. Alors juste pour finir, je vais passer un petit message. Il y aura je sais plus la date exacte, il y aura une install party qui aura lieu au Donald's Pub, c'est ça, parce que je sais que Another Record, là, Franck, t'es aussi impliqué aussi dans le logiciel libre plus en général. On n'en a pas parlé vraiment dans cette émission, mais j'ai plus la date en tête en fait. Le samedi 28 novembre, donc au Donald's. le samedi 28 novembre au Donald's, à partir de 14h. Ça dure à peu près toute l'après-midi. Enfin, après, les gens restent le temps qu'ils veulent, mais je pense qu'il y aura de l'activité un certain temps. Les gens peuvent venir avec leur ordinateur, tout ça, ou juste pour boire un coup avec les gens qui s'intéressent au logiciel libre et à la culture libre. Boire des boissons libres. Voilà, aux boissons libres. Allez, et ben, pas gratuit. Au revoir, et puis c'était un plaisir de vous avoir pour vous interviewer. Ah, merci à vous. Au revoir. Merci.